marche en silence avec l'offrande de sa substance, de la fleur de farine entre ses mains. Il vient déposer ce qu'il a de sien. Il y verse l'huile et l'encens comme un parfum pour l'éternel. Et le feu consume doucement ce dont